Tsu Yong-il, président du comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée, a publié le 26 un entretien comme suit. La ligne et l'orientation originale avancées par le maréchal Kim Jong-un lors de l'historique 7e congrès du Parti du Travail de Corée à propos de la réunification du pays servent d'un guide de programme permettant de démolir la muraille de la division et de marquer une voie large à la réunification du pays, conformément à l'aspiration et à la demande unanime de toute la nation coréenne. Juste et équitable, elle donne une réponse exhaustive aux problèmes pressants et de principe en vue d'améliorer fondamentalement les rapports nord-sud et d'inaugurer une nouvelle époque de la réunification indépendante. La classe ouvrière coréenne adhérera invariablement à la triple charte de la réunification du pays, dont la vitalité a été prouvée par la pratique et qui traduit la volonté et l'exigence de tous les compatriotes et militera énergiquement pour ouvrir la voie à la réunification. Faisant bloc avec les compatriotes sud-coréens de tous les milieux, notamment les masses travailleuses, elle réalisera la solidarité et l'unité sur tous les plans pour bien remplir sa mission et son rôle d'avant-garde et d'aîné de la nation dans la lutte en faveur de la paix et de la sécurité de la péninsule coréenne et de la réunification sous un système fédéral. Pour terminer, il a exprimé son attente et sa certitude que les masses laborieuses sud-coréennes, les ouvriers en premier lieu, unissent leurs forces avec la classe ouvrière du Nord, et en faisant valoir les exemples et expériences d'avoir guidé le mouvement réunificateur de la nation et contribué à l'amélioration des relations nord-sud, s'acquitteront de leurs responsabilités et rôles assignés par l'époque et la nation dans l'œuvre destinée à améliorer les rapports nord-sud et à ouvrir une nouvelle phase du mouvement de la réunification du pays.